cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Ce jour-là, le monde a-t-il basculé quand un volcan explose en mer Égée? Beauté de la Grèce, beauté de la Crète, splendeur de la civilisation minoienne avec ses palais, son labyrinthe, son minotaure. Mais il est une petite île au volcan menaçant, Santorin. L'éruption du volcan de Santorin et le tsunami qui s'en est suivi a-t-il détruit la civilisation minoienne? Sans doute, cette catastrophe a-t-elle fait naître un mythe, celui de l'Atlantide. Comment une civilisation au plus haut de son développement demeure fragile et peut s'effondrer soudainement? Quelles en sont les leçons, même fantasmées? Enfin, monsieur, que signifie tout ce mystère? Où sommes-nous ici? J'y suis depuis 20 ans. Je ne sais pas encore exactement. Atlantide. Atlantide. Maya Pomader, bonjour. Bonjour. Il y a bien eu une éruption volcanique autour de Santorin à un moment dont nous allons tenter de discuter. C'est une énorme éruption, c'est un fait. Oui, ça fait partie des choses effectivement que l'on sait. Il s'agit d'une éruption volcanique extrêmement puissante, dont la date en revanche est encore débattue, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais probablement une des éruptions les plus puissantes des 10 000 dernières années, qui a été étudiée par des vulcanologues et dont on connaît en partie le déroulement en plusieurs phases. Et ce qui reste davantage débattu, ce sont les impacts effectivement sur les civilisations environnantes, dont la civilisation minoenne. Ça veut dire que l'historienne que vous êtes a besoin, mais comme nous tous et sans cesse, de la transdisciplinarité, d'aller voir un petit peu les recherches dans les autres domaines. Vous parlez des vulcanologues. Est-ce que ces découvertes des vulcanologues, ces études, correspondent à un discours historique? Alors, ces discours correspondent effectivement à un discours historique, c'est-à-dire que là, nous avons besoin des vulcanologues ou des spécialistes des sciences de la Terre, et ils ont besoin de nous pour ancrer aussi en partie ces événements catastrophiques dans l'histoire. Nous travaillons en fait voilà de concert, c'est la pluridisciplinarité aujourd'hui qui... Et la règle dans nos disciplines. Oui, parce que pour cette antiquité, nous parlons de la civilisation minoienne, mais tout de suite, ça évoque quelque chose d'extrêmement lointain, et particulièrement des fresques. C'est ça qui revient, c'est une grande civilisation. Cette civilisation-là, peut-on la dater? Elle est déjà ancienne au moment de cette éruption? Alors, la civilisation minoenne qui se développe en Crète, c'est une civilisation palatiale qui apparaît vers 1900. On date le développement l'émergence des palais entre 2000 et 1900. Avant Jésus-Christ, bien avant sûr. Avant Jésus-Christ, je ne le précise pas parce que pour moi c'est évident. Et elle se développe jusque vers 1450, donc date de la destruction de la plupart des palais en Crète, sauf le palais de Knossos qui va rester, lui, en fonctionnement pendant encore un bon siècle, jusqu'au 14e siècle avant notre ère. Alors, savoir si la destruction de ces palais est due à l'éruption volcanique, ça c'est une autre question. Mais dès qu'il s'agit de volcans, le mieux est d'en appeler un spécialiste. Pas n'importe lequel, c'est Haroun Taziev. C'est le 1400 avant Jésus-Christ qui est vraisemblablement l'explosion donc du Santorin d'alors, qu'on appelait Terra vraisemblablement, et qui a détruit l'île, qui n'a laissé que la base... Un anneau insulaire. Tout le centre est parti. Tout le centre est parti, a été pulvérisé, fracassé d'une part et s'est effondré probablement en plus dans un vide souterrain d'autre part. Cela a provoqué, outre donc les dégâts de l'explosion elle-même, qui ont vraisemblablement été entendus à 2000 ou 3000 ou peut-être même 5000 kilomètres, parce qu'on a des exemples plus récents de ce genre d'explosion, notamment celui du Krakatoa en 1883. Mais l'explosion d'une part et le raz-de-marée, ou plutôt l'onde marine, le tsunami, comme il vaut mieux l'appeler, que cette explosion a déclenché, a anéanti la célèbre civilisation minoenne qui régnait en Crète. Et c'est très vraisemblablement cette éruption du Santorin en 1400 avant Jésus-Christ qui est à l'origine du célèbre mythe de l'Atlantide. C'était Haroun Taziev qui s'exprimait. Nous étions en 1972 à propos de cette éruption du Santorin. Lui, il donne la date de 1400 avant Jésus-Christ. Mais Haroun Taziev est vulcanologue. Il n'est pas historien. Et puis, 1972, depuis, les historiens, les historiennes ont travaillé. Maya Pomader, aujourd'hui, à quelle date peut-on situer cette éruption? Alors aujourd'hui, on se rapproche de plus en plus d'une date au XVIe siècle avant notre ère, puisque jusque récemment, il y avait deux chronologies qui étaient proposées, l'une par les spécialistes des mesures en laboratoire, donc par le carbone 14 en particulier ou la dendrochronologie, et puis une autre chronologie qui était la chronologie des archéologues de terrain. Et finalement, ces deux disciplines se rejoignent ou tendent à se rejoindre aujourd'hui vers une date autour de 1560 avant notre ère. Voilà, au moins c'est clair, la dendrochronologie, c'est l'étude des arbres. Hein. Des cernes des arbres. C'est passionnant toujours de se dire que les arbres peuvent nous donner une indication. Nous sommes en 1560. Où en est la civilisation minoenne à ce moment-là? Alors la civilisation minoenne, elle en est dans sa deuxième grande phase, puisqu'on a d'abord la phase qu'on appelle la phase des premiers palais, avec une destruction généralisée en Crète vers 1700, et puis on reconstruit ces palais pour entrer donc dans la phase des seconds palais. Et on sait que l'éruption de Santorin se produit au moment où le style céramique, puisque c'est avec la céramique que l'on date, nous, les phases de cette période, en est dans la phase du bronze récent 1A, pour employer la terminologie très spécifique de cette période, puisqu'on a retrouvé aussi à Santorin, puisqu'il y a des sites archéologiques détruits sur l'île de Santorin, de la céramique crétoise minoenne de cette phase du bronze récent 1A. Donc il s'agit d'une phase de développement probablement le plus important de la Crète minoenne, avec des implantations des Crétois aussi hors de la Crète pendant cette période. Vous avez évoqué en 1700 déjà une première destruction là de ces palais. On a une idée de ce qui s'est passé? Alors, on a une idée, c'est-à-dire qu'il y a des faits, des destructions, notamment par incendie, qui touchent tous les sites palatiaux. À ce moment-là, il y avait 4 grands palais en Crète, et ainsi que certains autres sites. Mais en revanche, il y a encore débat sur les facteurs de ces destructions, séismes ou facteurs humains. On penche plutôt vers les facteurs humains parce qu'il est peu probable qu'un séisme ait été massif à l'échelle de l'ensemble de la Crète. D'autant que certains bâtiments ne sont pas reconstruits. Donc voilà, s'il y a un séisme, on peut reconstruire, alors que avec des facteurs humains, ça peut expliquer qu'on ait choisi de ne pas reconstruire certains ensembles monumentaux. Avec nous aujourd'hui, pour explorer la Crète et cette autre île, Santorin, René Treuil, bonjour. Bonjour. Au moment de parler de la chronologie, on sent bien que c'est toujours très difficile. Là. 1700 avant Jésus-Christ, déjà, une première destruction, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais c'est vrai, on est sur une région sismique. Hein. Les destructions ne laissent pas d'étiquette. Il n'y a, il n'y a pas d'acte d'accusation. On ne sait pas qui a détruit, ni quoi a pu détruire. Donc on reste toujours avec des hypothèses. Et curieusement, les destructions se ressemblent d'un cycle à l'autre. C'est toujours des incendies, dans la plupart des cas. Quelquefois, on peut accuser des tremblements de terre, ça peut arriver, mais c'est plus difficile à prouver. Et donc, on se retrouve avec des hypothèses émises par des archéologues et des historiens qui ne tardent pas à s'empailler tranquillement et à se disputer sur la cause qu'ils préfèrent, chacun. Donc, c'est toujours un peu délicat. Et il me semble me souvenir que Marc Bloch, par exemple, parlait, lui, des débuts des civilisations et des changements de civilisation en disant qu'on n'arrivait jamais à les cerner, qu'on voyait une civilisation, puis une autre, mais que ce qui se passait entre les deux, on ne le voyait jamais. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on constate, nous aussi. Il faut faire preuve de beaucoup de modestie. Dès que l'on parle du passé, une civilisation ne succède pas à une autre, il n'y a pas une date précise. Non, il n'y a pas de 1er janvier. Chevauche. Et puis, il n'y a pas un facteur, c'est aussi ça, Maria Pomader, qu'il faut prendre en compte au moment de réfléchir à ces civilisations antiques. Ce n'est pas une éruption, un tsunami ou un tremblement de terre qui met fin à quelque chose. Il y a plusieurs facteurs. Oui, aujourd'hui, on suppose en général qu'il y a plutôt une combinaison de facteurs. C'est ce que montrent les analogies avec d'autres civilisations. On voit bien que c'est rarement un événement qui contribue à détruire totalement une civilisation. Et là, un des problèmes que l'on a évidemment pour étudier la civilisation minoenne et sa fin, c'est l'absence de sources écrites déchiffrables, puisque donc nous n'avons pas de texte qui nous raconte ce qui se passe en 1700 ou en 1450 avant notre ère. Oui, c'est ça, la question toujours est celle des sources, mais ça tombe bien parce que dans le cours de l'histoire, nous avons des sources qui nous viennent directement du passé. Et aujourd'hui, attention, il est là, il est avec nous, c'est Olivier Martineau. En réalité, c'est Thucydide. Quand Minos eut constitué sa puissance maritime, les communications par mer devinrent plus faciles de peuple à peuple. Il fit disparaître des îles les pirates, d'autant mieux qu'il colonisa beaucoup d'entre elles. Les habitants du bord de la mer commencèrent à acquérir des richesses et à se construire des habitations plus solides. Quelques-uns, même devenus plus riches, entourèrent leurs villes de murailles. Dans leur amour du gain, les faibles subissaient la domination des forts, et les plus riches, avec les ressources dont ils disposaient, se soumettaient les cités plus faibles. Telles étaient encore les mœurs quand, longtemps après, les Grecs entreprirent leur expédition contre Troie. They réfléchit à la guerre du Péloponnèse, Thucydide évoque Minos. Mais Thucydide, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. Il parle des vêtements qui ont déjà 1000 ans, c'est très très vieux. Mais il nous présente ici une civilisation de marins. C'était ainsi qu'était conçue. Alors là, nous sommes 1000 ans après, mais cette civilisation, celle du roi Minos. Alors il semble effectivement que ce soit l'image qui se soit transmise probablement oralement pendant longtemps de cette civilisation du roi Minos, hein, qui actuellement est encore considéré comme un roi légendaire puisqu'on n'a pas de traces de son existence réelle. Et Thucydide, lorsqu'il écrit le premier chapitre de l'histoire de la guerre du Péloponnèse, souhaite avant tout replacer Athènes dans une longue histoire d'état-lassocratie, donc de ces empires maritimes, et donc c'est en cela qu'il considère que les Minoens auraient constitué la première civilisation ayant établi une thalassocratie, un empire maritime sur l'ensemble de la mer Égée. Avec Minos qui chasse les pirates, c'est important aussi parce que c'est quelque chose qui reste sans cesse. Alors, les historiens, les historiennes aujourd'hui considèrent que cette civilisation en Crète, 1500 ans avant Jésus-Christ, était réellement une thalassocratie, un micro-empire maritime qui commençait. Alors ça fait partie d'un des champs de bataille entre les archéologues qui travaillent sur cette période. On n'utilise plus le terme de thalassocratie parce qu'on n'est pas en mesure de vraiment caractériser le type de contrôle de la mer Égée par les Minoens. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une domination culturelle des Minoens sur la mer Égée, des implantations des Crétois sur certaines îles, jusque sur la côte sud-ouest de la Turquie actuelle. Donc effectivement, probablement aussi une forme de domination politique ou économique. Mais on va rester un peu prudent et donc on ne parle pas véritablement d'empire maritime. René Treuil, restons prudents. Oui, je vais rester prudent aussi parce que, curieusement, cette histoire de thalassocratie fait penser à une autre période antérieure de la civilisation, non pas minoenne, mais cycladique. C'est-à-dire que dans les Cyclades, on a, à ce qu'on appelle le bronze ancien, on a une série d'établissements, on a des gravures de bateaux, on a des choses qui se mettent loin de la mer. On a l'impression que là, ça pourrait correspondre à une phase de thalassocratie, un empire maritime. Mais C'est avant, et donc on ne sait pas comment faire coller tout ça. Et comme le disait Maya, de toute façon, Thucydide n'est pas un témoin sérieux, ni même un témoin du tout de ce qui s'est passé quelques années avant lui. Ce que l'on sait en revanche, et ça l'archéologie le montre, c'est qu'il y avait des palais. Ces palais sont oui. Là, nous sommes au 16e siècle avant Jésus-Christ, en Crète, et nous avons au moins 4 grands palais. À quoi ressemblent-ils? Qu'est-ce que sont ces palais? Ce sont de grandes constructions de plans rectangulaires et souvent entouré par une cour qu'on appelle classiquement la cour centrale. Et au fond, ce qui les caractérise, c'est surtout la centralisation de l'économie, puisqu'on a des tablettes qui... Alors, on n'a pas de texte, évidemment, mais on a des tablettes qui font mention de stocks, d'artisanat, de récoltes, de choses comme ça. Et ces choses-là sont centralisées, comptabilisées par les palais, ainsi que les denrées. Par exemple, quand on a fouillé le palais de Malia, où nous avons travaillé tous les deux, heureusement ou malheureusement, enfin bon, on a trouvé des quantités de graines qui étaient là et dont on n'a pas su trop quoi faire à l'époque. Ça se passait dans les années 1920, mais aujourd'hui, on pourrait penser que c'est le reflet, ce qui reste d'un stock de céréales qui a été fait, ou de légumineuses qui a été fait, parce que le palais recevait les récoltes et ensuite les répartissait entre son personnel, ses artisans, ses esclaves, tout ce qu'on veut. Voilà un peu le... C'est un fonctionnement analogue à ce qu'on a au Proche-Orient, où là, les choses sont nettement centralisées. On a quelqu'un qui est qualifié de chef de la maison de ceci, maison de la poterie, maison... Bon, et là, c'est probablement la même chose, sauf que les textes sont un petit peu, comment dire, ne nous parlent que de choses un peu misérables, un peu... pas très excitante. On dit tant d'essieux de chariots, tant d'épées, tant de kilos de ceci ou de kilos de cela. Et après, on ne sait plus. On ne sait plus comment c'est géré tout ça. Oui, donc, c'est ça le principe de l'économie palatiale, c'est cette centralisation. Et c'est ce qui différencie en particulier le système crétois des systèmes qui sont employés dans les Cyclades ou dans le reste de la Grèce. Parce que dans le reste de la Grèce, il n'est plus question de palais, sauf à la période suivante, à la période mycénienne. Et puis, il y a ces fresques. Il y a ces décorations de palais. Alors là, c'est quelque chose qui reste évidemment parce que, mais vous l'avez dit avec sourire René Treuil, c'est vrai qu'un calcul de nombre d'essieux, des comptes de graines, ça fait pas rêver. On le sait bien que c'est essentiel, hein, mais cela doit s'inscrire aussi dans un imaginaire. Et ces fresques nous montrent un petit peu comment ces gens-là se représentaient. Alors, civilisation, on peut le dire au sens qu'il y a un rayonnement culturel. Alors, on va peut-être pas rentrer dans la définition du terme civilisation, qui est un terme lui-même très discuté, mais de fait, la Crète minoenne s'inscrit dans cet ensemble des civilisations palatiales de la Méditerranée orientale, et donc les palais s'accompagnent d'une urbanisation, de la naissance de l'écriture, donc qui sert principalement effectivement à des inventaires, et d'une architecture monumentale qui est très frappante par cette iconographie très riche qui se développe justement à la période des seconds palais, au XVIe siècle, et qui a laissé des images, donc des Minoens et des Minoennes, puisqu'il y a aussi beaucoup de représentations féminines, qui sont originales et assez différentes de ce qu'on trouve dans les palais du Proche-Orient, malgré les analogies qu'on peut faire sur le plan de l'organisation économique. Les analogies se font avec le Proche-Orient, c'est très intéressant ce que vous dites. Hein. Ce n'est pas vers la Grèce qu'il faut se tourner au XVIe siècle avant Jésus-Christ. Non, c'est une sorte de dispute dont nous avons hérité. À une certaine période, les archéologues ne parlaient que de la Grèce et on intitulait la civilisation minoenne comme première civilisation européenne. Alors que maintenant, je pense qu'on se rend compte qu'elle a beaucoup plus d'analogies avec les civilisations du Proche-Orient qu'avec l'Europe, où il n'y a pas de palais, où les agglomérations sont beaucoup plus petites, etc. Mais pour ce qui est des fresques, je voudrais rappeler quand même, on fait un peu d'historiographie aussi, qu'on en connaît depuis la fin du 19e. Des fresques dans l'île de Mélos en particulier, celle de l'Obsidienne, celle de la Vénus. Là, on a des fresques qui ont été découvertes en 1890, je ne sais plus quelle est la date exacte, mais donc c'est bien connu. Et sur beaucoup de sites minoens ou cycladiques, on a aussi des fresques. Donc l'apparition de celle de Santorin n'est qu'une confirmation en plus. C'est la plus belle, c'est la plus chouette, c'est tout ce que vous voudrez, mais c'est pas unique, disons. On peut jouer au jeu de la chronologie, voir ce qui se passe au même moment ailleurs. Donc là, nous sommes au XVIe siècle avant Jésus-Christ en Crète. Qu'est-ce qui se passe au même moment? Eh bien, dans ce qu'on appelle la Mésopotamie, donc c'est ce grand modèle hein, d'ailleurs de civilisation, je ne sais pas si on peut le dire, palatiale. Donc là, la Mésopotamie, c'est le modèle avec une civilisation, j'emploie le mot pour être plus simple à manière bombardère. C'est l'organisation politique qui est la même et qui sert de base au rapprochement, beaucoup plus que le reste, parce que chaque monument, chaque ville a son style particulier, chaque empire est différent, mais le fonctionnement est toujours à peu près le même. Donc on a des cycles de fabrication, des cycles d'approvisionnement, des cycles de conquête aussi. Et dans le cas de la Crète, on ne sait pas trop si quelqu'un a conquis quelqu'un d'autre, hein, parce que ça aussi, ça ne laisse pas beaucoup de traces. Les Égyptiens en sont où à ce moment-là ? Alors, au XVIe siècle, on est dans la période intermédiaire, en fait, dans la période des Hyksos. Et donc, là, il y a encore des discussions tout de même sur le moment du début du nouvel empire égyptien. On en est à ce moment-là, mais c'est effectivement une des grandes puissances dominant cette Méditerranée orientale et avec laquelle les Crétois ont mis en place des relations, alors dont on a du mal à évaluer l'importance, assez tôt, hein, dès la fin du troisième millénaire, la Crète développe des échanges, notamment avec l'Égypte, mais aussi avec d'autres royaumes proche-orientaux importants, comme le royaume de Marie, dans la Syrie actuelle, par exemple. Athènes, au XVIe siècle avant Jésus-Christ. C'est pas grand-chose. En un mot. Voilà, c'est ça. C'est Rome. Bah Rome, rien encore, parce que Rome n'existe pas. Et pour nous, je pense qu'on a le bronze déjà, mais. Bon. Ici, l'âge du bronze, mais il faut faire une réhabilitation aussi, parce que les archéologues ont été toujours très influencés par la Grèce, soucieux de tout rapporter à la Grèce, etc. Et puis, à un moment, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait aussi des civilisations de notre côté, jusqu'à l'Angleterre lointaine, etc. Et donc, il y a un rééquilibrage à faire. On n'a pas les mêmes vestiges, mais on a aussi des principautés, on a aussi des productions de luxe, on a aussi des importations depuis la Méditerranée, on a tout ce qu'on veut, en fait. Pour gagner dans l'historiographie, en fait, il faut souvent construire des gros bâtiments qui restent longtemps, comme ça, ça impressionne. Et pour la Crète, ça tombe bien, nous avons alors des bâtiments remarquables, les palais, on l'a dit, ce qu'on n'a pas encore trouvé, c'est le labyrinthe. Vous, les enfants, vous êtes tous les mêmes. Quand on vous raconte des contes de fées, vous dites, ça existe des fées, ça existe les baguettes magiques. On vous répond non, parce que les parents n'ont pas l'habitude de mentir aux enfants. Et au fond, vous le regrettez un peu. Beaucoup même. Oui, beaucoup, c'est vrai. Alors je vais vous raconter l'histoire du Minotaure. Il y avait une fois en Grèce, dans un pays rempli de joueurs de dés, de marchands de nougat et de fabricants de ruines. De fabricants de ruines. Oui, ces gens-là commençaient à bâtir des monuments et après ils les cassaient à coups de marteau parce qu'ils trouvaient que ça faisait plus joli. Oh oui, surtout au clair de lune. Il y avait donc en Grèce un monstre épouvantable, moitié homme, moitié vache, qu'on appelait le Minotaure. Ce qu'on appellerait aujourd'hui un bœuf sur pied, car c'est la tête qui était une énorme tête de vache. Et tout le restant du corps était celui d'un homme. Le Minotaure vivait dans un immense jardin qu'on appelait labyrinthe, et qui était si grand, si touffu, si impénétrable, que les enfants qui lâchaient la main de leur maman s'y perdaient et on ne les retrouvait plus jamais, jamais, jamais. Et pas de haut-parleur pour leur dire que leur maman les attendait au stand de la Croix-Rouge. Pas de gardien pour les ramener au bureau des enfants trouvés, rien. Robert Beauvais et Gisèle Paris qui racontent les grandes histoires pour les petits-enfants avec le Minotaure. Il y a du mythe aussi dans cette histoire, essentiellement du mythe avec Minos. Alors Minos, vous nous avez dit, Maya Pomader, que c'est un souverain, un roi légendaire. D'ailleurs, le terme même de Minos, on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça correspond à une personne précisément, à des groupes de personnes? Mais en revanche, pour les gens de l'Antiquité, bien, il y avait cette lecture mythique de ce qui s'était passé dans cette civilisation. Oui, alors il y a effectivement deux choses à considérer. D'une part, le fait que l'on ne connaît toujours pas le système d'organisation politique de la Crète minoenne. Donc il est évident qu'il y avait une forme de pouvoir assez fort, hein, comme l'a expliqué René Treuil tout à l'heure, avec une forte centralisation économique en particulier. Donc un pouvoir individuel ou collectif, on ne peut pas parler de roi pour le moment dans la Crète minoenne. Et puis, il y a ce mythe de Minos et du Minotaure qui a été diffusé principalement à Athènes à partir de la période archaïque et qui sert, là encore, la volonté de puissance athénienne, puisque ce qui fait aussi l'importance du Minotaure, c'est le fait qu'il a été vaincu par Thésée, grand héros athénien, et donc ça permettait de valoriser encore plus un héros athénien ayant vaincu ce monstre légendaire. C'est ce monde-là que vous nous décrivez, Maya Pomadère-René Treuil, ce monde de la civilisation minoenne avec ces mythes qui se mêlent à tout cela, et puis toujours cette histoire de volcan. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Vous connaîtrez donc Minos. Mais d'ici là, le monde aura tremblé. Minos, mais c'est dans Peur sur la ville, le film d'Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique d'Alia. Dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à ce jour-là. Un volcan explose en mer Égée. Serait-ce la fin d'une civilisation? 1560 avant Jésus-Christ, il y a cette éruption absolument gigantesque. En avons-nous les traces? Avons-nous des choses évidentes qui nous disent que cette éruption volcanique a détruit des palais en Crète, ou alors sur l'île de Santorin même, parce que c'est là où se trouve ce volcan? Elle a détruit beaucoup de choses, mais d'abord et avant tout sur les îles de Santorin. Sur la Crète, c'est l'objet de beaucoup de discussions, parce qu'il faudrait prendre, et on pourra peut-être le faire, prendre un par un tous les facteurs, les puits de cendres, la pierre ponce, que sais-je, les tremblements de terre, les tsunamis, tout ça, on peut le faire. Mais c'est d'abord sur les îles de Santorin que le phénomène s'est abattu, et là, on sait parfaitement comment il s'est passé. Je dis parfaitement parce que c'est rare qu'on puisse dire quelque chose comme ça. Là, il y a des géologues qui ont travaillé, des images de l'éruption, des récits qui se sont modifiés. Et donc, aujourd'hui, grâce à la stratification dans les parois de la caldeira, si les termes sont un peu vagues, je peux les préciser. La caldeira, c'est le chaudron où le volcan s'est affaissé, s'est enfoncé. Et sur les parois, et ailleurs, on peut lire des strates comme en géologie et savoir dans quel ordre les choses se sont passées. Et donc aujourd'hui, on sait que cette éruption s'inscrit dans un cycle très long. Je vous raconte une histoire, une préhistoire, une géologie un peu compliquée. Mais on le sait, c'est une des éruptions les mieux connues de la surface de la Terre actuellement, avec celle du Krakatoa, bien sûr, où on a pu envoyer une expédition scientifique. Pour le Santorin, on n'a pas pu envoyer de... l'expédition scientifique. Le Krakatoa, c'était 1883, voilà, Santorin, c'est 1560 avant Jésus-Christ. Donc, au moment où ça se passe, les îles en question ont déjà un passé lointain. On est dans une zone de subduction où la plaque africaine s'enfonce sous la plaque européenne. Ça se passe, la rupture se passe à peu près au niveau de la côte sud de la Crète. Et donc, cette situation entraîne des éruptions volcaniques. Mais c'est pas seulement celle dont nous parlons. C'est pendant 200 000 ans, il s'est produit quelque chose comme 8 éruptions qui étaient toutes, et ça il faut peut-être le retenir, qui étaient toutes du même type, c'est-à-dire de type explosif. Donc c'était une lave qui ne coulait pas au départ sur les flancs du volcan comme on a l'habitude de le voir avec les volcans qui sont des autres types. Là, c'est comme un bouchon de champagne, à un moment ça saute, ça fait pression, ça pète, ça monte, et donc là il se dégage du volcan une espèce de colonne de fumée, de gaz, de poussière qu'on appelle une colonne plinienne, parce que justement il y a eu Pline l'Ancien qui est mort dans l'éruption analogue du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, ça a été raconté par son neveu Pline le Jeune, donc voilà pourquoi on l'appelle plinienne, mais ça monte à 36 kilomètres ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose d'absolument énorme, et ça forme un chapeau, ça forme un nuage que le vent ensuite peut entraîner, et qu'il a entraîné là, on le retrouve dans les sédiments marins ou terrestres ou archéologiques, il l'a entraîné vers le sud-est, disons plutôt. Et donc on a cette idée-là, et pendant toutes ces éruptions, la physionomie de l'île, qui était d'abord un cône plein, s'est modifiée et l'île s'est creusée, s'est effondrée à plusieurs reprises. Et maintenant, on est arrivé à l'idée que la physionomie actuelle qu'on a, c'est une sorte de cercle d'îles avec Santorin, Thérasia, Spronissi. Cette physionomie ne date pas de la dernière éruption comme on l'a cru pendant longtemps. Elle était en place bien longtemps avant. On ne sait pas combien, mais peut-être des milliers d'années avant. Et donc, lorsque l'éruption dont nous parlons se produit, elle ne modifie modifie pas radicalement la physionomie des îles. Mais enfin, le résultat global de ces éruptions et de la dernière, c'est quand même qu'on a une fosse qui est énorme, qui a 500 mètres de profondeur, quelque chose comme ça, et des falaises de 400 mètres de hauteur. Donc une physionomie qui aujourd'hui attire beaucoup les touristes, hein, mais c'est une autre. C'est une autre histoire, mais dans cette histoire-là, vous nous dites qu'il y a un point de comparaison avec le Vésuve. C'est un peu dans. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est le même phénomène explosif du volcan. Alors, avons-nous l'équivalent de Pompéi, mais sur l'île de Santorin? Je veux dire une chose que je voulais ajouter là, si vous le permettez. On a trouvé, on avait Pompéi bien entendu. Là, on a un équivalent de Pompéi avec le Santorin. Sauf les morts qu'on n'a pas, on pourra en reparler éventuellement. Mais on a connu aussi, on a découvert dans les quelques dizaines de dernières années, dans la région de Naples, sur le site de Nola, à faveur de la construction d'un supermarché. Il faut pas cracher dessus, hein, quand même. C'est pratique. Donc on a trouvé les témoignages d'une éruption antérieure. Éruption du Vésuve, bien entendu, antérieure à celle de Santorin, et qui a recouvert des constructions de l'âge du bronze ancien, donc du troisième millénaire avant notre ère. C'est une découverte dont on aurait pu parler beaucoup plus, parce oui. qu'elle est très intéressante, les choses sont restées en l'état, on a les cabanes, on a tout, et là on a les gens aussi. Et j'ai bien compris, hein, René Treuil, parce que vous regrettez qu'on parle beaucoup de la Grèce et pas du reste, et beaucoup de Pompéi et pas de ce qui s'était passé avant. Oui, mais Pompéi, bon, ça a fourni le titre de plusieurs articles, livres, etc. C'est très commode. Mais à Pompéi, on a les gens quand même. Oui, c'est ça qui est intéressant. Vous dites, il n'y a pas de mort à Santorin. Qu'est-ce qui s'est passé, Maya Poumader? Qu'est-ce que c'est? Il y a un cochon. Il y a un cochon. Effectivement. Alors là, on parle du site d'Akrotiri, en fait, qui se trouve au sud de l'île de Santorin, qui est l'un des sites ensevelis par l'éruption, parce oui, qu'on connaît aussi voilà, d'autres sites plus, moins importants. Là, il s'agit d'une véritable ville qui a été fouillée très partiellement, donc en particulier par Spyridon Marinatos, qui est un personnage important, parce que c'est lui qui est à l'origine de l'idée que l'éruption de Santorin aurait détruit les palais crétois. C'est récent en plus, c'est une réflexion du XXe siècle, c'est ça? Oui, tout à fait. Avant-guerre, l'article est de 1939. Ouais, voilà, exactement. En vous le voulez, le voilà. Eh ben, voyez, vous l'avez apporté dans 1939. Décembre 1939, dans Antiquité. Voilà, qui dit, bon, ben voilà, cette éruption volcanique, alors, sans préciser la date comme aujourd'hui, a détruit complètement cette civilisation. Et donc, on ne retrouve qu'un cochon. Un cochon. On retrouve des maisons très bien conservées, puisque comme à Pompéi, ce qui a donné voilà la Pompéi égéenne pour Akrotiri, les bâtiments ont été maintenus debout en fait par ces pierres ponces et ces pluies de cendres qui se sont infiltrées partout et qui ont contribué à une excellente conservation, aussi des fresques que l'on mentionnait tout à l'heure. Mais visiblement, les gens ont compris qu'il allait se passer quelque chose d'extrêmement dangereux et ils ont eu le temps de partir et d'emporter avec eux une partie au moins de leurs objets les plus précieux, parce qu'on retrouve beaucoup de choses à Akrotiri, mais très peu d'objets métalliques, alors que le bronze est donc assez diffusé à cette période, et un certain nombre d'objets qui ont été visiblement laissés dans les rues, comme s'ils n'avaient pas eu le temps d'emporter tous leurs effets. Donc il y a du mobilier, notamment des lits qui ont été découverts dans les rues. Donc on peut imaginer la panique qui tient au fait que la première phase de l'éruption a pu durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant de passer vraiment au stade explosif. Là, nous sommes à Santorin. Avons-nous les mêmes phénomènes dans ces palais-là en Crète? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on va retrouver, eh bien, dans les rues éventuellement, les objets qu'on n'a pas eu le temps d'emporter, et puis des palais absolument vides? Non, on ne trouve pas. C'est pas la même situation du tout. Du tout. On ne sait pas très bien pourquoi, mais on a l'impression que à Santorin, les gens sont partis, ont peut-être été rattrapés par les nuées ardentes ou les coulées de là ou les choses comme ça. Peut-être qu'ils se sont noyés, tout simplement. Peut-être qu'ils ont été emportés dans le fond de la mer. Mais il n'y a rien. Tandis qu'en Crète, on a quand même, de temps en temps, des nécropoles, on a des objets dans les maisons et dans les palais. Donc, c'est pas du tout la même situation. Et pour ajouter à ce que disait Maya tout à l'heure, à Santorin, ce n'est pas une ville qui a été détruite, c'est trois. Donc ça veut dire que c'était une région extrêmement riche, extrêmement peuplée. Donc il y a le site d'Akrotiri qui est au sud de l'île. Il y en a un autre qui n'a jamais été fouillé, qui est au nord, dans le village de Ia, là où les touristes applaudissent le coucher du soleil. Excusez-moi, je ne le ferai plus. On sent des souvenirs aussi. Et puis il y en a une autre qui vaut la peine d'en parler, dans l'île de Terrazia, l'île secondaire, qui complète le cercle des îles de Santorin. Et là, il y a deux ou trois faits qui sont quand même intéressants. Terrazia a été fouillée au 19e siècle par un géologue qui s'appelait Fouquet, qui a écrit un bouquin là-dessus, c'est publié, il y a les plans, il y a les fresques, il y a tout ce qu'on veut. Et c'est le même mobilier que l'on retrouve à Akrotiri. Mais il s'est passé quelque chose à ce moment-là, c'est que il était vulcanologue lui, alors il y a peut-être une malédiction sur les vulcanologues, je ne sais pas, mais en tout cas il a essayé de refiler le bébé à quelqu'un en disant « moi je ne suis pas archéologue, faites quelque chose les gars, essayez de vous arranger avec ça ». Il a refilé à l'école d'Athènes qui a dit « non, ce n'est pas intéressant, c'est de la géologie tout ce truc », et puis les académies s'en sont mêlées, se sont disputées, etc. Terminé, rien. Et maintenant, depuis 1967, c'est Spyridon Marinatos dont Maya a parlé qui a repris cette fouille. Et là, il y a encore un rapport avec l'idéologie. Ça va peut-être pas vous surprendre tout à fait. Hein. L'idéologie, l'histoire. Et donc, en 1967, c'est une date fondamentale dans l'histoire de la Grèce moderne. C'est le coup d'État des colonels, le 21 avril 1967. Marinatos était de leur côté. Il était archéologue connu, il avait beaucoup fouillé en Crète, on l'a bazardé directeur des antiquités. Au mois de juin, il a commencé à fouiller à Akrotiri parce que ça l'intéressait, ça l'excitait. Et à partir de là, il a pu avoir tous les crédits qu'il voulait pour démontrer que c'était bien la Santorin. La catastrophe, que c'était bien là. Et donc, il a même pu monter, avec l'appui d'un armateur à ce moment-là, une expédition en bateau pour emmener tous les archéologues, je dirais pas que j'en étais, mais presque, et leur faire visiter toutes ces îles et leur dire « voyez ce que c'est beau, voyez ce que je fais ». Donc c'est complètement, à partir de ce moment-là, les bouquins se sont succédés. Il n'y avait pas d'historien américain qui ne venait pas et n'écrivait pas un bouquin. J'ai eu la révélation à Santorin, je dédie mon œuvre à Marinatos. Donc il y a eu une période où il faisait pas bon raconter autre chose, hein, c'est sûr, parce que là, il y a un lien. Non mais c'est passionnant ce que vous nous dites, René Treuil, parce que c'est ça aussi, cette construction de l'histoire, et puis l'instrumentalisation de l'histoire, alors que dans les années 1960 déjà, était remise en cause complètement cette idée que l'éruption volcanique qui a eu lieu à Santorin a complètement détruit la civilisation minoenne. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Maya Pomader, qu'est-ce qui s'est passé pour ces grands palais? Comment ont-ils disparu? C'est pas du tout comme à Santorin, où là, effectivement, les gens ont eu le temps de partir, mais il y a eu quand même destruction à cause du volcan. Oui, alors il y a une chose qui est très importante et qu'on n'a peut-être pas dit jusqu'à maintenant, c'est que la destruction des palais et d'une partie des sites crétois ne date pas de la phase de l'éruption de Santorin, qui était donc le bronze récent 1A, c'est pour ça que je l'ai bien signalé tout à l'heure, parce que en Crète, au moment où les palais sont détruits, on est dans la phase suivante, donc dans le style céramique suivant, appelé celui du bronze récent 1B. Et donc il y a au moins une génération, donc 25 à 50 ans, qui sépare l'éruption de Santorin et la grande destruction des palais crétois. Donc là, c'est évidemment un fait qui permet de détacher totalement cette destruction. Il y a encore un certain nombre d'archéologues qui pensent que l'éruption de Santorin a pu avoir des effets indirect sur la fin de la civilisation minoenne, c'est-à-dire qu'elle aurait entraîné un certain nombre de troubles qui auraient pu entraîner notamment des famines, parce que cette éruption, ce nuage de cendres qui aurait pu cacher le soleil et donc ou recouvrir les récoltes, aurait pu entraîner un certain nombre de crises, notamment de crises agricoles, qui petit à petit auraient mené à la fin du monde minoen. Mais il s'agit pour le moment de pure spéculation et la destruction des palais qui se fait donc par incendie, de façon générale, sans aucune trace que l'on puisse mettre en relation avec le Santorin, visiblement doit être attribué plutôt à des facteurs humains qu'à des facteurs géologiques ou à des catastrophes naturelles. Bah, c'est bien pratique, les catastrophes naturelles, pour expliquer la fin d'un monde, la fin d'une civilisation, mais on sent bien que c'est beaucoup plus complexe et la chronologie, là, nous aide. La pression humaine sur l'environnement, on sait combien l'environnement est fragile en Méditerranée, la pression humaine sur l'environnement peut aussi expliquer le déclin de cette civilisation. Alors ça, c'est une hypothèse que l'on voit aussi monter depuis un petit moment, parce que ça fait partie de nos préoccupations actuelles. Donc il y a un regain d'intérêt pour ces critères d'explication. Mais on ne voit pas dans les données sur la végétation de cette période des éléments qui nous permettent de dire que la pression humaine a été suffisamment forte pour voilà entraîner là aussi des problèmes d'approvisionnement agricole. Non, donc j'aime beaucoup hein, parce que à chaque fois on est en train de recontextualiser les réflexions au moment où elles sont produites avec les préoccupations du moment. Oui. Vous nous l'avez dit hein, dans la Grèce nationaliste, il fallait prouver certaines choses. Aujourd'hui, préoccupations liées à l'environnement, mais faut pas forcer les choses. Aujourd'hui, René Treuil, on en est où sur les idées de cette fin de civilisation? En fait, il y a pas de fin, c'est un déclin progressif. Il n'y a pas de fin. On a l'impression que, à un certain moment, peut-être les palais eux-mêmes sont détruits, et on ne sait toujours pas par qui, et la civilisation elle-même peut continuer encore un certain temps. Mais, encore une fois, il n'y a pas de trace, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de signature dans tout cela. Et finalement, les moins mauvais candidats qu'on ait, ce sont peut-être les invasions, les prises de possession de territoire par d'autres, invasion de la Crète par les Mycéniens, enfin, ou prise de contrôle. Mais bon, on peut se demander ce qui, aujourd'hui, nous resterait des prises de contrôle en Ukraine, par exemple. Oui, c'est vrai. Dans quelques centaines d'années, qu'est-ce qu'il y aura comme trace? Qui aura été coupable? Et puis, dans cette réflexion que l'on peut avoir sur le temps très long, il est réduit. Le temps, très vite, oui. À une catastrophe, à quelque chose comme ça. Alors que ici, Maya Pomader, c'est un déroulé beaucoup plus lent. Vous parlez plutôt de générations. Il y a plusieurs générations. La civilisation ne disparaît pas comme ça d'un claquement de doigts ou d'une éruption volcanique. Non, effectivement, elle se poursuit. Et puis c'est l'une des difficultés qu'a l'archéologie de façon générale. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à envisager les événements de très courte durée, à moins d'avoir effectivement des signatures très claires. Mais c'est extrêmement rare. Et donc on est obligé de s'intéresser à des phénomènes de plus longue durée. Et donc ce que l'on voit en Crète après 1450, donc après la destruction des palais, sauf celui de Knossos, c'est la montée en puissance de la civilisation matérielle mycénienne, en tout cas une forte influence mycénienne, en particulier à Knossos, où apparaît aussi l'écriture mycénienne, qui note du grec cette fois, et qui, semble-t-il, a été mise en place à Knossos, avec l'aide probablement des administrateurs minoens. Donc voilà, c'est plutôt un passage de relais, et il est possible que effectivement cette arrivée des continentaux en Crète et jouer un certain rôle dans les incendies que l'on peut observer. Voilà, l'éruption des continentaux en Crète a eu plus d'influence que l'éruption du volcan, sans doute. Et dans cette histoire-là, et c'est ça qui est passionnant, c'est que reste quelque chose qui a traversé les siècles, c'est un mythe. Ce soir, une évocation d'Alain Decaux à la recherche de l'Atlantide. En ce temps-là, on pouvait traverser cette mer, l'Atlantique. Elle avait une île devant ce passage que vous appelez, dites-vous, les colonnes d'Hercule. Cette île était plus grande que la Libye et l'Asie réunies. Mais dans le temps qui suivit, il y eut des tremblements de terre effroyables et des cataclysmes. Dans l'espace d'un seul jour et d'une nuit terrible, l'île de l'Atlantide s'abîma dans la mer et disparut. Ainsi parlait Platon. Platon qui est à la base, lui seul, de tout ce qu'on croit savoir de l'Atlantide. Hors de Platon, point d'Atlantide. Tout ce que nous connaissons de ce continent mystérieux est consigné dans deux écrits du célèbre philosophe grec, le Timée et le Critias. Le problème peut se résumer en deux questions. Le récit de Platon est-il une fable ou une réalité? Si on l'accepte pour exact, où doit-on situer l'Atlantide? Retrouver l'Atlantide. Quel rêve exaltant! Alain Decaux, en 1954, dans la Tribune de l'Histoire, qui pose les bonnes questions, oui. Et il a raison, c'est exaltant. René Treuil, quand naît ce mythe de l'Atlantide? 355 avant Jésus-Christ. C'est précis. Ah, ben ça c'est précis. C'est dans la vieillesse de Platon, il écrit un immense ouvrage racontant l'histoire du monde, etc., en trois dialogues, puisqu'il écrit sous forme de dialogue. Il y en a un qui est bien conservé, un autre qui est en partie conservé, le troisième est perdu. Donc ça fait deux endroits où il parle de l'Atlantide et il prononce exactement les mots que Alain Decaux a repris. Et donc il présente ça comme une révélation, une transmission qui lui a été faite par des prêtres égyptiens, etc., Saïs en Égypte. Bon, il y a toute une mise en scène, tout un habillage, mais il n'y a que cela. Et pendant des centaines d'années, on peut dire, il n'y a que cela, il n'y a que ces textes de Platon. Mais la question après, je crois qu'il ne faut pas la formuler en se demandant si c'est vrai ou pas vrai. Si... Non, je crois qu'il y a plusieurs interprétations possibles et elles existent toutes depuis l'Antiquité. C'est-à-dire qu'il y a celles qui disent c'est une affabulation. Non, il faut revenir sur ce terme qui n'est pas exact. Soit une affabulation, soit une déformation de la réalité, soit une inspiration à partir de faits réels, soit des faits réels. Mais ce qui s'est passé est caractéristique de l'historiographie à laquelle je reviens toujours, c'est que les historiens, pendant des centaines d'années, n'ont cherché qu'une chose, c'est localiser l'Atlantide. Le reste, ils sont moqués. Complètement. Et donc, on a des localisations autant qu'on en veut. On en a dans toutes les régions du monde. Si vous dites Nijni Novgorod, je vous en trouve une tout de suite, c'est là, ou n'importe quoi, ou Tahiti, ou tout ce que vous voulez. Donc, ça a été un mythe fondateur, peut-être, ou je ne sais pas, et qui a inspiré des quantités de gens qui ont fait leur promotion, qui ont fait leur publicité, de l'argent là-dessus, et donc c'est devenu jusqu'à Gauguin, jusqu'à tout le monde, toutes les comment dire les rêves sur le Pacifique, la nymphe nue qui accueillait les navigateurs, etc. C'est formidable, on a fait quoi des cartes postales avec ça, et c'est devenu quelque chose d'absolument inévitable. Et la difficulté, c'est de lutter contre ça. On peut dire, bon, on n'y croit pas, j'y crois pas. Bon, personnellement, ok, ça on peut le dire. Mais après, ça n'empêche que la littérature continue, se multiplie. Il y a je ne sais combien de millions d'ouvrages qui ont été écrits sur l'Atlantide. Et donc, vous y trouverez à peu près toujours la même question. Où est-ce que ça s'est passé? Et autre chose que je voulais ajouter, ça me revient tout d'un coup, c'est à propos de l'éruption, une autre histoire qui n'a rien à voir. Aujourd'hui, les gens qui vont à Santorin, les touristes, boivent du petit vin blanc, hein, il est pas mal, non? Il est bon. Et on nous raconte dans le même temps que ces cendres qui sont sorties de l'éruption ont paralysé peut-être les cultures en Crète, ont créé une famine, etc. Mais si le petit vin blanc de Santorin est si bon, c'est quand même que ces cendres étaient plutôt favorables à la culture. Et donc, on peut pas dire deux choses. Une chose et son contraire. Il faut choisir. Et là, je crois qu'on est obligé de choisir. Mais tout ne peut pas être détruit et puis rien non. Reconstruit derrière. René Treuil, vous êtes professeur émérite à l'Université Oula. Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous dites Ola parce que vous dites émérite même au-delà des... Même au-delà, oui. Même au-delà, je crois qu'émérite, c'est le début. Enfin, je sais pas. Mais dans cette histoire-là, cette création du mythe de l'Atlantide par Platon, disons-le clairement, y a-t-il une relation faite avec cette éruption du XVIe siècle avant Jésus-Christ qui a détruit Santorin et puis dont certains ont imaginé, mais vous avez expliqué que c'était pas le cas, qui a détruit la Crète aussi? Est-ce que Platon fait le lien entre les deux? Non, il ne fait aucun lien. Le lien, il s'est fait de façon beaucoup plus récente, hein, et c'est là aussi qu'on voit ce poids un peu écrasant des textes de la Grèce classique sur les épaules des historiens et des archéologues qui veulent essayer de faire autre chose. Le phénomène qui a été mis en lien principalement avec l'éruption de Santorin, c'est le fait que l'Atlantide était engloutie après des tremblements de terre dévastateurs et engloutie dans la mer. Et donc ça, c'est l'idée du tsunami qui aurait accompagner l'éruption de Santorin, puisque finalement la destruction de la Crète ou des régions environnantes, elle a avant tout été attribuée à des vagues géantes. Hein, on a parlé pendant longtemps de vagues d'une hauteur de 30 mètres qui auraient donc été capables de détruire ces bâtiments de plusieurs étages de la Crète. Et donc ça aussi, c'est une idée sur laquelle on est revenu récemment, grâce là aussi aux collaborations toujours avec les géologues, pour montrer que ce tsunami a probablement eu lieu, mais contrairement à ce que pensait Haroun Taziev qu'on a entendu tout à l'heure, le fait que la caldeira ne se soit pas effondrée entièrement sur elle-même à ce moment-là, puisqu'elle était déjà formée, et qu'il n'y a donc pas eu de glissement de terrain aussi massif que ce que l'on pensait, n'a pas probablement pas entraîné ces méga vagues. Et donc on pense aujourd'hui plutôt à des vagues de l'ordre de 8 à 10 mètres, ce qui n'est pas rien, qui a dû causer effectivement des dégâts sur les côtes, mais c'est aussi un phénomène dont on peut se remettre et dont visiblement la civilisation minoenne s'est relevée. Ce sont des vagues qui ont frappé beaucoup plus fortement les îles de Santorin et les îles alentours que la Crète elle-même. Nous avons plusieurs histoires, c'est ça qui est incroyable, c'est que toutes ces histoires arrivent à se mêler, à être tissées tardivement par des historiens, des historiennes, pas trop, mais surtout par ceux qui veulent accaparer, eh bien, la catastrophe de l'Antiquité, la disparition des civilisations, l'Atlantide, évidemment, avec des suppositions incroyables. Voici Black et Mortimer. Voici les deux terriens dont je vous ai parlé, père. Soyez les bienvenus, terriens. Une question me brûle les lèvres. Où sommes-nous ? Vous êtes ici, en Atlantide. L'Atlantide ? Quoi, ce continent légendaire que tout le monde a cru détruit par les eaux ? Mais non, ce n'est pas possible ! Voilà bien une réaction humaine. Mais enfin, tous les historiens s'accordent pour dire que ce continent a complètement disparu dans les flots ! Vos hommes de science ne savent rien. Bah si, ils savent des trucs quand même, les hommes et les femmes de science, Black et Mortimer. L'énigme de l'Atlantique, attention. Dans cette histoire-là, René Treuil, il y a, depuis qu'on parle avec Maya Pomader, hein, vous êtes maîtresse de conférences, historienne et archéologue à Paris, un Panthéon Sorbonne, depuis qu'on parle tout à l'heure de ce qui s'est passé au XVIe siècle avant Jésus-Christ, vous y allez tous les deux avec beaucoup de prudence. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas encore. En fait, tous ces mythes, toutes ces histoires-là servent à certains à boucher les trous, quoi. Ça permet de dire, bah oui, si, nous, on sait, on a compris. Bien entendu. Et je reçois, pas tous les jours, mais de temps en temps, des articles ou des bouquins de gens qui disent, j'ai trouvé la solution, vous fatiguez pas, c'est fini, je la connais. Mais bon, il faut quand même revenir au point de départ, c'est-à-dire qu'en 350 siècles, comme je disais avant Jésus-Christ, Platon, lui, ne parle de rien. C'est une idée pure. Je vais revenir là-dessus d'ailleurs, mais il ne parle pas de Santorin, il n'y fait aucune mention, aucun historien de l'Antiquité n'en parle. Ça, c'est quand même quelque chose. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on constate qu'il n'y a pas une mention. Hein. Si tu en connais, Maya, tu... Non, il y en a aucune mention de ce truc. Et alors, on pourrait faire appel ici aux faits de résilience, peut-être, qui sont à la mode aujourd'hui. On a peut-être des gens qui ont subi des éruptions, des destructions, puis qu'ensuite on reconstruit leur maison, leur civilisation, ont refonctionné. C'est peut-être ça. Mais en tout cas, avant Platon, rien. Et ce qu'on peut dire pour caractériser les propos de Platon, c'est que c'est un mythe. Mais c'est pas injurieux de dire ça. Parce que dans l'Antiquité, les gens croyaient assez facilement au mythe, pas toujours, mais ils pouvaient y croire. Et là, ce n'est pas un mythe mythologique, si je puis me permettre l'expression. Ça n'est pas dans la mythologie, c'est dans la tête de Platon que ça se passe. C'est lui qui invente le mythe pour des raisons pédagogiques, philosophiques, pour expliquer en particulier que il faut peut-être pas, quand on est une cité comme Athènes, il faut peut-être pas exagérer sur la puissance navale, la puissance militaire, il faut peut-être aller doucement. Et donc, il raconte cette histoire comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça, l'idée pure que vous évoquez. Oui, l'idée de Platon, c'est celle-là, c'est clair. il y a une utilité pour Platon d'inventer ce mythe. C'est pour ses contemporains, pour dire attention, c'est ça la fin de la civilisation. Mais Une histoire politique pour lui. Voilà, c'est une histoire politique. Et il, en même temps, il a créé d'autres mythes comme celui de la caverne où les gens sont dans la caverne, ne voient pas ce qui se passe dehors. C'est la même chose, mais personne n'a cherché la caverne. Non, mais c'est ça, c'est un peu l'idée. Et Maya Pomader, il y a dans le succès de ce mythe de l'Atlantide et relié à une disparition comme ça d'une civilisation, c'est un peu ce que tous ont vécu à travers les siècles suivants, la réflexion sur comment prend fin une civilisation. C'est ce qui fait aussi pour cette Crète antique un succès, cette civilisation minoenne, c'est d'expliquer comment une telle civilisation a pu disparaître aussi brutalement. Dire qu'il y a une désagrégation du pouvoir palatial ne suffit pas, c'est pas assez séduisant. Ça n'est pas assez séduisant et puis ça n'est pas assez vendeur. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que si on veut obtenir des financements pour nos recherches archéologiques, on passe notre temps aujourd'hui à chercher des financements, c'est beaucoup plus vendeur de dire qu'on va aller rechercher l'Atlantide, que l'on va fouiller une obscure ville de l'âge du bronze en Méditerranée. C'est vrai, ça se passe comme ça, parce que on entend bien les financements, on imagine des gens extrêmement sérieux qui arrivent à mettre de côté des choses. Non, il y a vraiment encore ce succès. Peut-être pas l'Atlantide directement, mais en tout cas les traces de l'éruption, ça c'est un sujet qui est bon pour obtenir des crédits, chercher des traces de cendres, de la pluie de cendres, de tsunami, etc. Ça on peut le faire, et ça marchera sans problème peut-être. Plus facilement, disons. Que reste-t-il à fouiller en Crète pour justement comprendre la fin de cette civilisation ? Et je me corrige tout seul, il n'y a pas de fin, on l'a bien dit, mais pour expliquer comment la main est passée à peut-être d'autres, on a parlé des Mycéniens. Oui, alors finalement, la question n'est pas tellement celle de la fin et de cette passation. On a encore énormément de choses à comprendre sur la façon dont elle fonctionne. Donc nous, on s'intéresse effectivement au phénomène dans la longue durée et donc à l'organisation économique, sociale. Alors politique, c'est plus compliqué à partir de l'archéologie, mais effectivement, la question de la fin, qui a beaucoup occupé les archéologues quand même depuis le début du XXe siècle, n'est pas centrale dans les recherches. Voilà, c'est pas central. Le mythe n'est pas central, mais ne doit pas être écarté non plus. Non, parce que c'est une histoire aussi à mettre en parallèle. Oui, mais c'est notre histoire, c'est pas celle de... C'est pas celle de l'Antiquité, c'est pas celle des Minoens, c'est la nôtre. Le mythe, il est l'Atlantide, finalement, c'est dans nos têtes qu'elle est. C'est pas la peine de la chercher ailleurs, elle est là. Et c'est un mythe qui est très pratique aussi, on en a besoin, c'est pour ça qu'il y a un succès. Il y a bien sûr qu'il y en a besoin, on a tous besoin de mythes, on a tous besoin de belles histoires à se raconter, à raconter à nos enfants. Bien, merci beaucoup à tous les deux, Maya Pomader, René Treuil, de nous avoir éclairés, et vraiment éclairés, sur ce volcan qui explose et qui aurait détruit des civilisations entières. Eh bien non, c'est plus complexe, mais ce plus complexe est sans doute beaucoup plus intéressant. Merci vivement à tous les deux. Oui, puis on en reparle dans 10 ans. Eh ben voilà, on aura peut-être trouver l'Atlantide. Merci beaucoup à tous les deux. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares et préparée par Marion Dupont, Toscane Vudès, Jeanne Delacroix et Bayouen Guizhou. Cette émission est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture. L'esprit d'ouverture. France Culture présente Peter Van Kant, un film de François Ozon avec Denis Ménochet et Isabelle Adjani. Ami, Peter Van Kant. Peter Van Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son assistant Karl, qu'il se plaît à maltraiter. Grâce à la grande actrice Sidonie, il rencontre et s'éprend d'Amir, un jeune homme d'origine modeste. Il lui propose de partager son appartement et de l'aider à se lancer dans le cinéma. Amir, à partir de maintenant, tout va complètement changer, tout. Peter Van Kant, mercredi au cinéma, un film France Culture. Le coronavirus circule toujours et la protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Une deuxième dose de rappel est donc recommandée pour les personnes les plus à risque de faire une forme grave de la maladie. De 60 à 79 ans, un nouveau rappel est recommandé 6 mois après le premier. À partir de 80 ans, un nouveau rappel est recommandé 3 mois après le premier. N'attendez pas, prenez rendez-vous chez un professionnel de santé près de chez vous ou sur www.sante.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Demain, dans le cours de l'histoire sur France Culture, ce jour-là, une puce sur un rat, sur un navire, arrive en Europe. Oui, la peste dans les moments où le monde a basculé. Mais nous approchons, il est 10h sur France Culture. Et à 10h, nous retrouvons, et ça c'est passionnant, c'est une histoire de l'Internet. Et pour les fans d'antiquité, c'est le ravissement absolu, puisqu'il sera aussi question des Cyclades.